marchant dans la ligne, sans s'en écarter, en suivant les consignes, sans respirer, en restant dans des traces déjà usées, un peu né d'angoisse, de rêves brisés. On aurait